Je n'ai pas perdu ma gaieté, je n'ai pas perdu ma gaieté. Oh, maintenant je n'ai plus les oreilles si délicates, vous pouvez chanter fort. Non, il n'a pas perdu la gaieté. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je n'ai pas perdu ma gaieté. Non, il n'a pas perdu la gaieté. Il n'a pas perdu la gaieté. Il n'a pas perdu la gaieté.